Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Il est des noms de personnes dont la seule évocation mobilise tout un imaginaire, un pays, une civilisation, un combat politique. C'est le cas avec Gandhi. Nous sommes aussitôt projetés en Inde et nous voyons la silhouette d'un homme frêle vêtu d'un simple pagne, un visage souriant avec ses lunettes rondes et son bâton de pèlerin qui marche vers l'indépendance. Mais l'évocation du nom de Gandhi, oui, évoque aussi une dynastie, celle des Gandhi, avec une autre figure, à la fois sublime et intrigante, celle d'une femme, Indira Gandhi. Elle est la fille unique de Nehru, compagnon militant du Mahatma Gandhi. Elle aussi a combattu pour l'indépendance de l'Inde. Elle a été plusieurs fois à la tête de ce pays immense. Elle est la petite fille, la fille, la mère, la grand-mère, d'autres figures politiques de l'Inde. Et pourtant, il faut le rappeler, il n'y a pas de lien de famille entre le Mahatma Gandhi et Indira Gandhi. Cette homonymie est née d'un mariage quand Indira Nehru épouse Monsieur Gandhi. Pas de lien de sang entre Indira et le Mahatma, pas de lien familial entre ces deux figures, l'une et l'autre. Aussi frêles, mais au tempérament aussi fort. Aujourd'hui, nous partons en Inde à la rencontre d'Indira Gandhi avec pour guide, oh quel guide, Catherine Clément. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, des Indes à l'Inde, les avatars du nationalisme indien, alors que des émeutes se produisent en Inde en ce moment entre les différentes communautés. Nous essayons de comprendre les ressorts historiques de l'actualité indienne avec plusieurs questions qui nous ont traversé. Qui veut la peau du Taj Mahal? Nous en avons parlé lundi. Aux origines du nationalisme hindou, nous en avons parlé mardi. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en balado-diffusion, c'est-à-dire le podcast. Et puis aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une figure indienne, une figure qui traverse le siècle, qui traverse l'indépendance et puis qui marque encore les esprits. Qui est Indira Gandhi? Et pour nous en parler aujourd'hui, Catherine Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, journaliste, romancière, diplomate. L'Inde, vous la connaissez bien et c'est toujours troublant. Vous avez écrit un Hindu Boy, un roman publié au Seuil, un roman inspiré d'Indira Gandhi. Et dans les premières pages, vous l'expliquez, vous avez rencontré Indira Gandhi. Oui, j'ai fait la dernière interview en français d'Indira Gandhi. C'était 8 mois avant son assassinat. Et rétrospectivement, c'est très étrange, évidemment. Et c'était une interview compliquée puisque j'intervenais à la place de Simone de Beauvoir qui ne pouvait plus prendre l'avion parce qu'elle avait de mauvaises jambes. J'étais filmée par José Dayan qui faisait une adaptation du Deuxième Sexe en documentaire. Et nous allions voir Indira pour la questionner sur ce qu'on appelle les Dowry's Murders, c'est-à-dire les meurtres pour la dot. À l'époque, il y avait 10 000 jeunes femmes brûlées dans la cuisine généralement par la belle-mère ou le mari. Dans chaque métropole, ça faisait quand même 50 000 par an, c'était beaucoup. Et Indira Gandhi attendait, c'est ce qu'elle nous a expliqué, elle attendait un flagrant délit, parce que c'était le droit anglais qui s'appliquait en Inde, et qu'on ne pouvait pas du tout prendre quelqu'un et l'accuser sans preuve. Donc il ne pouvait y avoir qu'un flagrant délit. Voilà pourquoi j'ai été la voir. C'est incroyable, hein, ce sont les premières pages d'Hindu Boy, Catherine Clément, où vous expliquez. Elle était saisissante. Ah, mais c'est vrai que, voilà, quand la dot n'était pas suffisante, les belles-mères, c'est ce que vous écrivez, hein. 1 litre d'essence, 1 allumette dans la cuisine, et hop, plus de belles-filles, c'était accidentel. Mais là, vous allez voir Indira Gandhi pour lui parler de ce cas, de cette cause. Vous l'avez trouvé comment, Indira Gandhi? Ça doit être impressionnant parce que nous sommes en 1984 et Indira Gandhi est déjà un personnage, presque un personnage historique. Et on est au début du printemps quand les frangipaniers fleurissent. D'abord, je l'ai trouvée toute petite. Je ne sais pas si vous imaginez une grande femme ou une petite femme, mais très petite, mais avec une gigantesque tête, je sais pas comment vous dire, césarienne. Je ne vois pas d'autre mot que impériale, césarienne, sur un tout petit corps menu, avec une voix extrêmement frêle et très jolie. Elle me fait penser à une tourterelle, assez timide. Ça se voyait qu'elle était timide et qu'elle contrejouait son rôle, et très, très gracieuse. extrêmement gracieuse, avec ce qu'il a définissait en image, c'était sur des cheveux très très noirs, deux grandes mèches blanches sur le devant du front, qui était magnifique. Elle avait de l'allure, hein. Elle était pas belle, mais elle avait de l'allure. Avec vous, impressionnante. Impressionnante, oui. Avec vous, Catherine Clément, et c'est ce que l'on ressent en lisant Indou Boy, que nous avons un destin. Mais un destin qui se construit pas à pas et qui raconte aussi l'histoire de l'Inde. Nous allons la traverser avec vous, cette histoire. Et pour commencer, je vous propose justement de rester en 1984, au moment où Indira Gandhi est assassinée. Et au moment où les actualités françaises, en l'occurrence la deuxième chaîne, faisaient un récapitulatif, une nécro comme on dit, sur ce destin, celui d'Indira Gandhi. Cette déesse que l'on vient vénérer, c'est Indira Gandhi. Silhouette fragile, frêle, drapée dans le sari traditionnel, elle incarne pourtant la puissance et la volonté, celle de rassembler et d'unifier les 22 États de l'Inde. L'exercice du pouvoir, Indira Gandhi l'a appris dans l'ombre de son père, le Pandi Nehru, l'un des fondateurs de l'Inde indépendante, créateur du non-alignement. Et à l'âge de 48 ans, elle lui succède comme Premier ministre. Nous sommes en 1966. Depuis cette date, la vie politique de l'Inde s'identifie à Indira Gandhi. Indira Gandhi, personnalité controversée. Si beaucoup l'admiraient, ses ennemis, et elle en avait, lui reprochaient son goût du pouvoir, son ambition, son autoritarisme. Indira Gandhi, il est vrai, savait résister à l'adversité et elle le prouva. Elle sera incarcérée à deux reprises. Atteinte politiquement et moralement, alors que tout le monde l'a dit perdue, elle retrouve l'énergie de balayer ses adversaires. En 1980, Indira Gandhi est de nouveau Premier ministre. Dans ce reportage de la deuxième chaîne de la télévision française en octobre 1984, après l'assassinat d'Indira Gandhi, nous avons tout de suite cette idée d'un destin. La vie politique de l'Inde se résume à travers sa personne. Ce moment de l'assassinat est évidemment troublant et les commentaires aussi ont dû vous intriguer, Catherine Clément. C'est-à-dire que la crémation ça a été diffusée sur je ne sais plus quelle chaîne, je crois que c'était la 2, et on a entendu les Zitrone exactement comme il aurait parlé à un mariage royal, dire « Et maintenant, vous allez assister à la première crémation en direct. » Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, comme vous dites. Mais il y a quelque chose d'étonnant avec ce personnage d'Indira Gandhi, parce que c'est vrai qu'au moment de son assassinat, et quand il faut faire le bilan de sa vie, il y a cet aspect controversé. Vous avez intitulé, Catherine Clément, ce roman, et c'est bien écrit, roman Hindu Boy. On peut rappeler le procédé parce qu'il est intriguant. Il y a plusieurs voix. Il y a la vôtre, celle de Catherine Clément. Il y a la voix d'Indira Gandhi. Comment vous l'avez construit ? Je suis partie du fait qu'elle s'est définie comme transgenre au début de sa vie. Et qu'elle est toujours plus ou moins restée transgenre. Transgenre en Inde, c'est beaucoup plus présent que chez nous. Quand on prend son visa pour l'Inde, il y a homme, femme et une caste transgenre, que nous n'avons pas chez nous. Et c'est elle qui voulait être un garçon. C'est pour ça qu'elle se faisait appeler Hindu Boy. C'est pour ça qu'elle s'est coupé les cheveux. C'est pour ça qu'elle avait pris la tête des... Comment ça s'appelait déjà? L'armée des singes. Oui, l'armée des singes. L'armée des singes. Et donc, elle avait une vocation masculine qu'elle n'a jamais reniée. Oui. Des enfants qui militaient, cette armée des singes. Oui, ils faisaient des choses intéressantes. C'était eux qui transmettaient tous les messages. Ouais. Dans une manifestation, il y avait une tête de manif, évident, puis une queue de manif. Et eux faisaient les messagers tout au long de la manif. Indira Gandhi est née dans une très bonne famille. Il faut le rappeler, déjà, son grand-père, son père sont des personnages importants. Son grand-père, surtout, grand avocat. Oui, c'est une famille de brahmanes. Et de brahmanes du Cachemire, ce qui est le top du top du fin du fin. Des familles brahmanes du Cachemire, descendues du Cachemire depuis longtemps, famille d'avocats. Avocats qui ont servi d'abord les empereurs moghols, et puis ensuite les Britanniques. Il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Le grand-père d'Indira Gandhi, Motilal Nehru, le père de Nehru, avait été un vrai collabo, comme on dirait maintenant, avant de se convertir au gandhisme, de vendre tous ses biens, ses calèches, ses chevaux, ses porcelaines, ses verres, etc., etc., et de vivre à l'indienne, c'est-à-dire de façon austère. C'est la première scène d'ailleurs d'Hindu Boy. Indira Gandhi naît en 1917 dans cette famille de brahmanes, riche, très très riche. Il y a beaucoup d'argent. Oui. Et il y a ce basculement en fait. C'est vrai que vous le racontez, Catherine Clément, on se sépare dans cette famille de tout ce qui peut rappeler l'Occident. Quitte à ce que ce soit désagréable, parce que le coton indien gratte un peu. ça le pique. Coton indien, le coton indien tissé en Inde, le kadi, comme on dit. Hein. Oui, c'est assez sommaire, le kadi. C'est joli, mais c'est sommaire. C'est après le massacre d'Amritsar, c'est-à-dire c'est après le moment où un cow-boy, si on peut dire, un cow-boy anglais, le général Dyer, ou le colonel Dyer, je ne sais même pas s'il était général, a ouvert le feu sans sommation sur une foule sans défense, à Amritsar, au Punjab. Ça a retourné beaucoup de gens, et notamment Motilal Nehru. Alors du coup, toute la famille est devenue gandhienne, et Indira également, toute petite, a été formée comme ça. Elle a été formée dans le moule. Elle n'a jamais été... Si, elle a eu une poupée quand même. Oui, elle a une poupée occidentale. Elle a une poupée qu'elle sacrifie. Oui, il y a une scène saisissante puis qui est racontée dans son unique biographie et qui est une biographie de Poupoul Jayakar. Elle est sur le toit de la maison avec tout le monde et tout le monde jette au feu tout ce qui est l'Occident. Donc les robes, les dentelles, etc. Et elle jette sa poupée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets. Nous sommes dans les années 1920 en Inde, dans cette famille riche d'avocats qui auraient pu continuer à travailler avec le colon britannique, mais qui décide de faire le choix de la lutte pour l'indépendance. Et au milieu de cette famille, il y a ce personnage que vous nous présentez, Catherine Clément, Indira Gandhi. Enfin, elle n'est pas encore Gandhi, elle est Indira, Hindu Boy. Nous allons écouter un extrait d'Hindu Boy qui nous est lu par Camille André quand la jeune Indira se prend pour Jeanne d'Arc. Elle aussi voulait militer. Hindou avait demandé à s'inscrire au parti du Congrès, mais le clan des Nehru lui avait ri au nez. Alors, Hindou avait eu une idée. On l'avait refusée à cause de ses cheveux, sa longue chevelure de fille soigneusement nattée, avec un uniforme pour garçonner, moitié fille par la natte, moitié gars par le pantalon. Qui était Indira ? Personne. D'où l'idée Jeanne d'Arc. Depuis la disparition du parti du Congrès, à la fin du XIXe siècle, la cause des indépendantistes indiens s'identifiait avec celle de la bergère inspirée, qui avait libéré la France et vaincu les Anglais sur son grand destrier, vêtue en homme et cheveux courts. Hindou prit une grande respiration, puis, tenant sa natte sur le côté, elle l'entama avec des ciseaux de couture. Pas facile, ce fut long. Les ciseaux émettaient, en tranchant la natte noire, de petits bruits de souris grignotant en cachette. Et quand ce fut fini, c'était affreux à voir. Hindou égalisa très court en coupant au-dessus des oreilles, et là, c'était parfait. Tout occupée à suivre les pas du Mahatma, la maison Nehru eut à peine le temps de s'en apercevoir. Sauf sa mère. « Je suis en Jeanne d'Arc !» dit Hindu Boy. « Oh, mais j'avais compris !» répondit Kamala en ébouriffant la tignasse de sa fille. Un extrait de votre roman, Catherine Clément, Hindu Boy, publié au Seuil, où la jeune Hindou Indira se prend pour Jeanne d'Arc. Cela permet d'évoquer quand même l'univers de cette famille Nehru, qui est une famille, on va dire, lettrée, mais lettrée avec une connaissance de ce qui se passe en Inde, une connaissance évidente de ce qui se passe en Occident. C'est une famille qui a un regard, et c'est en cela qu'on peut la relier à Gandhi, qui lui aussi a fait sa formation au Royaume-Uni. Oui, le Mahatma Gandhi qui a découvert le végétarisme à Londres, ainsi que le bouddhisme et quelques autres choses appartenant à son pays. Oui, il faut s'attarder un peu sur Jawaharlal Nehru, le père, quand même, parce que le père sortait de Cambridge quand tout ça se passe. Il a très, très, très difficilement fini par accepter un mariage arrangé. Ça lui plaisait pas du tout. Il n'est pas amoureux de sa femme. C'est un couple à l'indienne. Ces mariages arrangés, ça marche quand même rarement, faut bien dire. Et Kamala est une figure assez sacrificielle, disons. Elle ne parle pas toutes les langues, elle ne parle pas l'anglais. Elle a donc beaucoup de mal à se mettre au niveau de la famille Nehru, mais elle est brahmanissime, donc de ce point de vue-là, elle est bien née. Elle est jolie, mais faible de santé, et elle sera tuberculeuse, et Indira Gandhi aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est assez peu su, ça, qu'elle était tuberculeuse, la fille aussi. Indira Gandhi, oui, qui a été soignée très très tard. Hein. Pardon ? Elle a été soignée très tard, elle a été guérie de sa tuberculose. Quand les antibiotiques sont arrivés. Voilà. Donc c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc nous avons cette famille intéressante, compliquée, et j'ai envie de dire, Catherine Clément, tiraillée entre deux mondes. Comment s'explique ce choix? Ce choix de rallier Gandhi. Il y a une conscience de l'état de l'Inde à ce moment-là et que, à la fois, il faut lutter contre le colonialisme britannique, mais aussi qu'il faut changer sans doute le pays. Le parti du Congrès d'abord a été fondé par des Occidentaux à la fin du 19e siècle. Donc, déjà, il est pas tout jeune, il a une bonne cinquantaine d'années. Et c'est un parti qui a été directement fondé pour gagner l'autonomie de l'Inde, pas l'indépendance au début, l'autonomie. Mais enfin, il a été très soutenu par des Occidentaux, comme nos intellectuels de gauche autrefois. Hein, ça n'a rien de nouveau. Et par Romain Rolland, notamment, qui a écrit tout un livre extraordinaire qui s'appelle « Inde, journal », où on fait tout du combat pour l'indépendance, alors que Romain Rolland n'a jamais mis les pieds en Inde, ce qui est quand même assez cocasse. Il y a cette influence de l'Occident qui est massivement rejetée en ce moment. Et il y a par ailleurs le fait que, malgré tout, tous ces enfants qu'on envoie en Angleterre reviennent avec une notion du juste, du bien, du droit et de l'égalité surtout. Donc c'est l'égalité qui fait le tournant. Bien sûr que le massacre d'Amritsar, qui a tué des tas de gens, c'est un massacre qui a fait 500 morts à peu près, au moins. Donc ça, c'est tout le monde en sent. Mais il y avait quand même autre chose. Il y avait l'égalité qui n'est pas du tout un concept hindou, mais pas du tout. Pour accéder à l'égalité dans le système hindou, c'est curieux, il faut passer par là, faut adhérer à une secte. C'est comme ça qu'est né le bouddhisme, c'est comme ça qu'est né le jainisme, c'était des princes qui se sont défaits de leurs conditions de prince. Quand vous fondez une secte, vous ouvrez à toutes les castes sans distinction de caste. C'est le bon truc pour sortir du système des castes. Inutile de vous dire que c'est très important, cette façon de faire. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a retrouvé le leader des intouchables, qui lui aussi jouera un très grand rôle dans l'indépendance de l'Inde, qui va appeler à la conversion au bouddhisme. Officiellement, c'est à la fois un acte religieux et un acte politique d'indépendantisme. Toute cette marmite, ça chauffe quand même beaucoup. Le Mahatma Gandhi est rentré de l'Afrique du Sud en 1916. Ça aussi, c'est fort important. Il rentre auréolé de gloire et il commence ses tournées à travers le pays, en engueulant les Indiens tout le temps quand même. Tout le temps. Particulièrement à Bénarès, où il a fait, dans ces années-là, un discours où il dit qu'il en a assez, qu'il soit sale, qu'il ne se lave pas. Enfin, il se lave, bien sûr, ils font des ablutions, mais qu'il ne se lave pas véritablement avec du savon, que les rues sont sales, que les brahmanes sont sales, qu'il y a que les intouchables qui sont propres, ce qui est parfaitement vrai. Ah oui? Ah oui. Dans un village, vous reconnaissez le quartier des intouchables, au fait qu'il est impeccable. C'est encore vrai maintenant. Comment l'explique Catherine Clément? Parce que les intouchables ont besoin d'enlever les saletés. Les brahmanes, non, puisqu'ils sont purs. Donc ils laissent l'état de saleté devant chez eux. C'est assez simple. Dans ce monde des années 1920-1930, là où grandit Indira Gandhi, vous nous l'avez dit Catherine Clément, il y a un échange constant avec l'Europe. Et pour Indira Gandhi, il y a les études et puis il y a la maladie, vous l'avez dit. Aller en Suisse, c'est aussi pour se soigner ou pour soigner sa maman. Sa maman. Et Indira Gandhi a un regard sur l'Inde. Je vous propose d'écouter une archive. Alors, c'est la voix d'Indira Gandhi. Une archive de 1967, février 1967, où Indira Gandhi, qui est alors Premier ministre, évoque la situation, allez, pour utiliser un mot simple, traditionnelle en Inde. Quand j'allais dans un village, si je voulais entrer d'une maison qui d'un caste qui était plus bas. Oui, des intouchables. Intouchables. Alors, c'était pas moi qui étais gênée, c'était eux. Ils disaient, non, vous pouvez pas entrer, c'est très très mauvais, c'est mauvais pour nous. Même si vous ne pensez pas, c'est mauvais pour nous. Mais après l'indépendance, après très peu de temps, ils ont tout de suite commencé à demander des choses. Nous voulons des hôpitaux, nous voulons des écoles, et puis pourquoi nous n'avons pas ça? Pendant les élections, il y avait une femme qui était très belligérante. Et elle a dit que rien n'est fait pour nous. Alors, je dis tout doucement que avant, vous n'auriez même pas osé parler de ces choses. Alors, même ça, c'est une très grande chose. la voix d'Indira Gandhi dans l'émission Les femmes aussi, diffusée à la télévision en 1967 avec... Nous allons commenter l'archive Indira Gandhi qui évoque le système de caste. Mais avant tout, Catherine Clément, ce français impeccable d'Indira Gandhi. Oui, elle était admirablement francophone. Oui. Elle avait appris en Suisse, en fait. Oui, bien sûr, elle a passé, plusieurs années en Suisse, se déplaçant avec les sanatoriums de sa mère, si on peut dire. Donc, mais toujours dans des écoles francophones. Donc elle parle admirablement français, elle parlait évidemment anglais, mais ça, l'anglais est une langue officielle de l'Inde, donc il faut pas... Vraiment, elle fait partie des langues reconnues officiellement. Mais son français était rare. Quand vous l'avez rencontrée en 1984, vous avez échangé en français ? Elle l'a exigé. Moi j'étais prête à la faire en anglais, l'interview, difficilement, mais j'aurais pu. Mais elle a exigé de parler en français. Et c'était un moment formidable. Sa voix était un peu plus perchée que là. Oui. L'archive a dû écraser un petit peu la voix d'Indira Gandhi. Non, je pense que c'est sa voix qui était perchée, ouais. Qui a changé. Dites-nous, Catherine Clément, quand Indira Gandhi évoque le système des castes, elle évoque la transformation qui s'est opérée après l'indépendance de l'Inde en 1947. Ce système des castes, c'est vrai que la famille Nehru est une famille de brahmanes, donc là nous sommes tout en haut. C'est l'idéal. Et il y a encore les princes du sang. Hein. Les princes du sang. Et il y a les intouchables. Dans la lutte politique qui va vers l'indépendance, il y a également une lutte, on va dire, sociale, une réflexion sur la transformation de la société en Inde pour Indira Gandhi. Pour Indira Gandhi, pas trop. Parce que, elle a parlé des intouchables, je préfère les appeler les parias, comme ça c'est plus clair, tout le monde sait ce que c'est. D'ailleurs, on dit plus intouchables maintenant en Inde, on dit dalits, ce qui permet de noyer les vrais parias dans les basses castes. Mais enfin bon, les parias sont ceux qu'on appelait autrefois untouchables. Très bien. Ce sont les Anglais qui ont fait l'éducation des intouchables. Ça n'est pas le gouvernement indien. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elle se sent un peu gênée aux intournures, notre Indira. C'est parce que les Anglais ont fait beaucoup de choses pour l'alphabétisation des intouchables. La preuve, c'est que eux, les Anglais, ont formé cet homme admirable qui a été président de l'Inde et qui était intouchable. Et qui était un de mes chers amis. Et qui racontait qu'il avait été formé par les Anglais, et qui faisait 7 kilomètres à pied, pieds nus, pour aller à l'école, mais que, à cause des Anglais, il était sorti la tête haute, et il avait pu devenir président de l'Inde. Donc, il faut pas se tromper. Il y a les Anglais s'y sont mis, le leader des intouchables, Ambedkar, s'y est mis également. Lui était très hostile au parti du Congrès, qu'il trouvait inégalitaire, ce qui est pas faux. Et c'est Ambedkar, cet homme admirable, leader des intouchables, l'homme qui voulait convertir tout le monde au bouddhisme, qui a rédigé la constitution. Donc voilà, c'est un entrecroisement. On peut pas dire que Gandhi a pas fait grand chose. Gandhi, le Mahatma, était très perplexe sur les intouchables. Il a demandé que les intouchables aient accès au temple. Bon, c'est déjà très bien, mais pas beaucoup, beaucoup plus. Ça lui a été beaucoup reproché, c'est vrai. Indira a fait plus, Nehru a fait également plus, mais le point de départ, ce sont les Anglais. Dites-nous, Catherine Clément, grande marche, j'ai envie de dire, vers l'indépendance, qui correspond en fait à l'action du Mahatma Gandhi. Cette année, la marche du sel, c'est le 90e anniversaire de la marche du sel, c'était en 1930, conduit tout doucement vers l'indépendance. Tout doucement, il y a des morts, hein, quand même. Il y a des morts, effectivement. Doucement, c'était sur le temps long, parce que 1930 et l'indépendance arrive après la Seconde Guerre mondiale, 1947. Quelle est la place de la famille Nehru et d'Indira Gandhi dans cette lutte pour obtenir l'indépendance de l'Inde? Il y a plusieurs voies possibles au moment de l'indépendance, c'est-à-dire soit l'Inde reste un dominion dans le Commonwealth, soit l'Inde obtient vraiment son indépendance. Où se situe Indira Gandhi? C'est son père qu'il faut situer parce que c'est lui qui a eu à faire le choix. Il garde le lien avec le Commonwealth. Ça, c'est très important. Excusez-moi. Et donc, Indira n'a pas à faire le choix. Il est fait. L'Inde fait partie du Commonwealth. Vous allez voir qu'après la mort de notre reine bien-aimée, Elisabeth II, le Commonwealth risque d'éclater parce que ça, on commence à sentir ça. Des remous actuels autour du Commonwealth. Mais elle n'a rien fait de spécial. Elle, son problème majeur n'était pas la relation à l'Angleterre, mais la relation avec Nixon, Richard Nixon. Son ennemi américain, ça a toujours été Richard Nixon, qui l'a beaucoup humilié, qui a fait tout un sac parce qu'elle voulait pas valser avec lui. Je crois qu'elle savait pas valser, tout simplement. Enfin bon. Ils se sont très mal entendus et il l'a beaucoup fait chanter. Donc, c'est plutôt le choix de l'Amérique ou URSS qu'elle a eu à faire et pas du tout le choix du Commonwealth. Ça, ça a été fait. Et un autre choix a été fait par Nehru contre l'avis du Mahatma Gandhi. Tenez-vous bien. En octobre 1947, l'ONU envoie ses premiers observateurs, ses tout premiers observateurs, l'ONU, qui a quoi, 3 mois, 4 mois, hein, envoie ses premiers observateurs sur la ligne de front du Cachemire. Et ils y sont toujours. Oui. C'est assez vertigineux. C'est vertigineux. Dès demain, nous consacrons une émission exclusivement au Cachemire parce que oui, c'est bien le Cachemire est vraiment une zone qui est aussi dans notre imaginaire sans que l'on comprenne vraiment ce qui s'y passe. Et Catherine Clément, je vous propose à ce moment de l'émission d'aller en Inde, de faire une pause en musique indienne avec Kiryan Ahluwalia, qui est né en Inde, qui est parti au Canada ensuite et qui chante. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, mais peu de gens pourront me corriger, mais n'hésitez pas, vos couches dans le cours de l'histoire sur France Culture. Kiryan Ahluwalia, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Qui est Indira Gandhi? Réflexion autour de cette figure, figure de l'indépendance de l'Inde, figure de la vie politique de l'Inde, avec pour guide Catherine Clément. Dites-nous, Catherine Clément, dans les années 1930, 1940, en tout cas avant l'indépendance obtenue après la Seconde Guerre mondiale en 1947, où est Indira Gandhi? Son papa est en prison, Nehru est en prison, lui. Il a fait 22 ans de prison, pas en continu. Mais ça fait quand même beaucoup de prisons. Moi, j'ai connu des vieilles indépendantistes, des femmes, qui râlaient parce qu'elles n'avaient pas pu aller en prison. C'est quelque chose de très étrange à entendre, ça. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour aller en prison, puis j'ai pas réussi, voilà. Mais Nehru avait réussi, lui. Sa femme était donc dans les sanatoriums. Et avec sa femme, il y avait un chevalier servant qui ne la quittait jamais. Mais ça datait de l'Inde, ça datait de longtemps. Ça faisait 10 ans déjà qu'il était chevalier servant. Je dis ça. Si j'ose dire, je dis ça, je dis rien. je comprends bien. Kamala, voilà. La maman d'Indira Gandhi, la femme de Nehru, donc, mais était accompagnée d'un chevalier servant. Qui était ce monsieur? Ce monsieur s'appelait Feroz Gandhi et elle a demandé à son soupirant d'épouser sa fille. Il l'a fait très tôt, hein. Il l'a fait l'année de la mort de Kamala. Elle est morte en 1936 en Suisse. Il était dans la pièce quand même. Il faut bien imaginer. Il y avait la fille, il y avait le père et dans le fond, tassé dans un coin, il y avait le futur d'Indira Gandhi et l'ancien chevalier servant de la mer. C'est une scène inouïe quand on y pense, hein. Clairement, c'est une scène incroyable. Surtout, il y a cette question d'homonymie. C'est-à-dire que Feroz Gandhi, le mari, celui qui épouse Indira Gandhi, n'a aucun lien avec le Mahatma Gandhi. Non, mais il a beaucoup de liens avec l'indépendantisme. C'est-à-dire que s'il a été le chevalier servant de Kamala, c'est pour l'accompagner dans les manifs, c'est certainement à la demande de Nehru, c'est celui qui veillait sur, et qui doit veiller sur la fille. Cela dit, il avait des atouts. Il était parsi. Oui, c'est-à-dire c'est une religion donc issue de la Perse. Voilà. Du zoroastrisme perse. Zarathoustra. Zarathoustra, si vous voulez, mais non, c'est Zoroastre quand même. Zoroastre. Alors, faut pas pousser. Mais il avait quand même un atout qui est très paradoxal. Quand on voit les photos de Feroz Gandhi, on se dit il est plutôt lourd, hein, un peu massif. Mais ça veut dire qu'il est gras. Et c'est un des critères de beauté en Inde très important. Nehru n'avait pas ça. Nehru avait un visage un peu creusé, mais Feroz était, disons, joufflu. Mais il était beau, il n'y a pas de doute. Il avait la tête d'un héros de Bollywood. Elle finit par accepter de l'épouser après de nombreuses supplications. Et le mariage qui a lieu en 1942, est un scandale absolument national. C'est absolument incroyable. Donc toute la presse se déchaîne contre ce mariage parce que une brahmane hindoue épouse un parsi. Ça n'existe pas. Il faut que Nehru s'en mêle et il faut que le Mahatma Gandhi s'en mêle avec une proclamation solennelle. Je crois que je l'avais là quelque part, enfin cette proclamation, disant que on ne se convertit pas pour un mariage, que la religion, ça appartient à chacun, qu'il faut être tolérant, que lui, personnellement, bénit Feroz Gandhi, parce qu'il ne le connaît pas du tout, donc il l'appelait Feroz au lieu de Feroz. Feroz, c'est la même chose, mais enfin, c'est rigolo quand même qu'il se trompe, et qu'il donne sa bénédiction, et que maintenant, tout le monde s'écrase. Tout le monde ne s'écrase pas, d'ailleurs. Hein. Mais le mariage est très surveillé. Alors, il est également très singulier, puisqu'elle porte un sari de Kadi, rose, foncé, qui a été tissé par son père dans ses prisons, ce qui quand même est quelque chose d'assez extraordinaire. Et le mariage est très visiblement très émouvant. C'est une scène, les photos sont émouvantes et le mariage est beaucoup plus émouvant que n'importe quel mariage hindou parce que la mère n'est pas là. Oui. Donc c'est tout à fait important. Oui, elle vient juste de décider. Et puis ça se passe tout de suite très mal. Ils ont deux enfants, ça, d'accord, ils ont deux fils, mais ça se passe tout de suite très mal parce que le type était un coureur. Un beau coureur de jupons, voilà, journaliste, coureur de jupons. Et elle, pas du tout, elle n'était pas du tout comme ça, elle était assez puritaine, surtout dans cette éducation suisse. Surtout, oui, avec cette éducation-là, et d'ailleurs, Catherine Clément, je vous ai présenté comme philosophe, journaliste, diplomate, et puis romancière. Il y a ce mot roman, Hindu Boy au seuil est un roman, mais vous avez des personnages exceptionnels. Alors, mais là, je dis le vrai. Hein. Exact, c'est ce que j'allais vous dire, le vrai n'a pas besoin d'être romancé. Absolument, le chevalier servant dans la pièce où elle agonise, c'était vrai. Alors, cela dit, il a le cœur fragile, donc il meurt en 1960. Elle porte le deuil. C'est après 1960 qu'est la mort de son mari. Quelque chose va être différent. Là, elle est entièrement à la politique. Ça change. Quelque chose change. Je pense qu'elle n'aurait pas pu faire l'état d'urgence qu'elle a fait plus tard. Du vivant de son mari, ça aurait été très difficile. Il était plus libertaire qu'elle. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose dans la vie d'Indira Gandhi qui la relie sans cesse, évidemment, à son père Nehru. 1947, c'est l'indépendance. Nehru est à la tête du pays. Quel rôle joue Indira Gandhi aux côtés de son père, alors Premier ministre ? La Première Dame, tout simplement. La First Lady. Nehru est veuf. Il est inutile de vous dire qu'il est sollicité par tout ce qu'il y a de greluche disponible en Inde. Ça ne marche pas parce qu'il a quand même un grand amour secret, Nehru. C'est qu'il est amoureux depuis longtemps. On a toutes les preuves de ça. Hein. D'Edwina Mountbatten, la dernière vice-reine des Indes. Donc, il a certainement des aventures tout terrain, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Ça n'a jamais été beaucoup plus loin. À la place, il prend sa fille comme première dame, ce qui lui sert de couverture. Donc elle l'accompagne dans les voyages officiels. Elle est dans les cérémonies officielles. La première dame. Mais c'est la première dame. Et nous allons écouter de nouveau Indira Gandhi. Indira Gandhi qui, dans l'émission Les femmes aussi, en 1967, à l'ORTF, évoquait ce que signifiait pour elle le choix en politique. Un jour, par exemple, vous avez décidé d'essayer. Non, j'ai jamais décidé. Je ne sais pas comment je suis là-dedans. J'ai jamais fait. Je ne peux pas dire que ce jour-ci, j'ai fait cette décision. Il y a quand même eu un jour où vous avez convenu que peut-être vous pourriez être chef de gouvernement. Ah non, jamais j'ai pensé à ça. Jamais, jamais. Même quand, après le mort de M. Chastri, j'ai pas y pensé, mais quand les gens sont venus, je disais, mais vous, joke, vous savez, c'est une plaisanterie. Vous vous êtes laissé convaincre. Peut-être c'était parce que, je pensais que si je ne prenais pas à cette poste maintenant, peut-être on pourra aller en arrière avec, vous savez, la modernité et toutes ces choses-là. C'est ça, vous avez donc senti que c'était votre devoir d'accepter finalement. Enfin, oui, c'est devoir, mais écoutez, c'est pas un devoir qu'on n'aime pas, être chef du gouvernement. Il y a beaucoup à faire et c'est un challenge, vous savez. Un défi. C'est un défi. Indira Gandhi, la voix d'Indira Gandhi en français. Elle parle comme une duchesse de Balzac. Ah oui, c'est une jolie quelque chose d'un peu passéiste dans le ton. C'est ce que je ressens. Catherine Clément, mais la comparaison est intéressante. Comme beaucoup de personnes qui ont appris le français à travers la littérature, oui. Ça marque un peu. Indira Gandhi explique que le choix en politique est quelque chose de compliqué et qu'elle-même n'a pas choisi de faire de la politique, que ça lui a été un peu imposé. Est-ce que vous acceptez cette idée-là? Vous auriez pas tendance un peu à la nuancer? Je la nuance complètement, parce que quand on devient général de l'armée des singes, militante à 12 ans, c'est un choix quand même. Quand on se coupe les cheveux, sachant ce que c'est que une natte noire indienne, quand on se coupe les cheveux soi-même, c'est un choix. Non, ça, elle racontait n'importe quoi. Là. Elle racontait n'importe quoi, mais nous étions en 1967 dans cette archive, c'est-à-dire que l'année précédente, Indira Gandhi était devenue la première femme ministre en Inde, la première ministre, et d'ailleurs elle a une stature internationale très particulière, parce que nulle part, même en Occident, des femmes ont atteint un tel pouvoir, surtout face à un pays aussi grand qu'est l'Inde. Il faut rappeler aussi cette démesure, hein, Catherine Clément. C'est vrai que nous parlons de votre livre, votre roman, Hindu Boy, sur Indira Gandhi. Mais enfin, on pourrait citer Pour l'amour de l'Inde, la promenade avec les dieux de l'Inde, on pourrait en citer plein. L'Inde, vous connaissez, il y a une démesure aussi de ce pays. Ils sont pour l'instant 1,3 milliard, dont 150 millions de musulmans qu'il ne faut pas oublier. Car ce sont ceux-là qui sont martyrisés en ce moment par le gouvernement actuel, que je considère comme un gouvernement fasciste. Comme ça, voilà, je l'ai dit. Vous l'avez dit, c'est-à-dire que le nationalisme hindou... C'est un fascisme, il faut pas raconter d'histoire, il faut pas louper le coche. Il y a des milices paramilitaires. Ce qu'elles ont fait à Delhi il y a 3 semaines, par exemple, coincer la tête d'un musulman sur le bitume et l'obliger à chanter l'hymne national jusqu'à la mort... Si vous croyez que c'est pas le fascisme, qu'est-ce que c'est ça? Bon voilà, je range ma colère, mais je voulais quand même rappeler ça. Mais cette colère est nécessaire, parce que si nous parlons aujourd'hui d'Indira Gandhi, c'est aussi pour comprendre les problèmes actuels en Inde, et notamment en comparant avec la politique qu'a portée Indira Gandhi quand elle était première ministre, donc une première fois à partir de 1966 et puis jusqu'aux années 70, et puis une seconde fois au début des années 1980. Catherine Clément, quelle était la politique d'Indira Gandhi justement sur ces questions religieuses? Elle a suivi le mouvement prôné par le Mahatma Gandhi, d'unité nationale, d'une réconciliation, d'une cohabitation de toutes les religions? Oh oui, elle a même renforcé l'attention portée aux musulmans, aux chrétiens d'ailleurs pareil, mais elle a beaucoup soutenu la communauté musulmane, enfin la communauté, les musulmans de l'Inde, ce qui est un point essentiel, parce que c'est ce qui fait la différence avec le Pakistan, qui lui est un pays pour les musulmans, exclusivement pour les musulmans. On y tolère quelques chrétiens, on y tolère quelques hindous, mais enfin, leur vie est difficile. Tandis que l'Inde, c'est toutes les religions à la fois. C'était! Parce que c'est ça que vient de faire sauter Narendra Modi. Donc ça n'est plus une démocratie, l'Inde. Ils sont en train d'enlever le droit de vote à des citoyens musulmans. Ça n'est plus une démocratie. Alors que quand Indira Gandhi devient première ministre de l'Inde en 1966, elle est à la tête de la plus grande démocratie du monde. Eh bien, nous allons écouter un autre extrait de votre roman, Catherine Clément, Hindu Boy, un extrait qui nous est lu par Camille André. C'était presque à la fin de ma première campagne électorale, en 1966. Ceux du Congrès qui m'avaient faite Premier ministre attendaient ma défaite, à moi, Indira Gandhi, cette fille de merde, comme disait Krishna Menon, le plus vieil ami de mon père. J'étais une jeune femme Premier ministre et j'affrontais une foule hostile. Ce serait difficile, on m'avait prévenu. Les gens ne m'étaient pas favorables. Le parti du Congrès n'avait pas la majorité dans cet état. Et on m'avait demandé de me taire et de rester assise au fond de la tribune. J'ai dit non. Et je commençais à parler quand un choc me fracassa la bouche. Le sang s'est mis à couler jusque sur mes lèvres. Il en pleuvait des gouttes sur le tapis. On m'avait lancé une grosse pierre en pleine face. J'ai rabattu le pan de mon sari pour étancher le sang. Et j'ai repris la parole en criant. « Ce n'est pas moi que vous insultez, c'est le pays, c'est l'Inde !» Ils se sont calmés. J'ai continué jusqu'à ce que le sang me remplisse la bouche. Mon nez était cassé, mais j'avais refusé de me taire. Extrait de votre roman, Catherine Clément, Hindu Boy, lu par Camille André. Elle qui lit très bien. Eh ben, ça va lui faire très plaisir. C'est vrai que Camille André lit très bien. Puis elle prépare cette émission, Camille André, avec Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, avec Aurore Juvenel également. Et c'est une programmation réalisée par Amélie Perrault. Voilà, comme ça, toute l'émission a été citée. Dites-nous, Catherine Clément, il y a quelque chose de difficile dans ce personnage d'Indira Gandhi. Cette femme frêle, vous l'avez dit, petite femme, et pourtant force exceptionnelle, mais il en faut pour diriger un pays aussi vaste. Indira Gandhi à la tête d'une démocratie. L'Inde est une démocratie quand elle était au pouvoir, mais une démocratie malgré tout contestée. Quand même, ça n'a pas été une démocratie sous Indira Gandhi, complètement, totalement, puisque elle a quand même eu 2 ans d'état d'urgence où les droits démocratiques ont été écrasés. Elle a décidé ça. Il y a un article de la Constitution, le 352, qui permet l'établissement de l'état d'urgence en Inde, et elle l'a appliqué à partir de juin 1975. Elle a été contestée par un drôle de type, mais qui avait un rayonnement incroyable, qu'on surnommait JP, et qui s'appelait Narayan, et qui était une sorte de Bernie Sanders, un marxiste excité, vieux. Voilà, en gros c'est ça, hein, Bernie Sanders. Et ce Bernie Sanders indien était en train de lui marcher dessus. Donc elle a provoqué l'état d'urgence, avec une restriction des libertés invraisemblable. Plus de droits de la presse, plus de... Enfin, des surveillances, les opposants en prison, les chefs de parti en prison. Donc c'était très rude. C'est pas le plus difficile. Qu'elle ait fait ça à la rigueur, bon... Ça peut se comprendre. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'elle a eu la bêtise, disons, ou la confiance de confier à son fils Sanjay, le plus jeune, le programme de la contraception. Et que ce charmant jeune homme, qui était très jeune, en effet, il doit avoir 25 ou 26 ans à l'époque, organise des vasectomies par millions. Et alors, le système, c'est des paysans. On les fait entrer dans une tente, on leur dit, venez, entrez sous la tente, on va vous faire une petite opération, et en sortant, on vous donne un transistor et du riz. Bon, on leur dit pas que c'est une vasectomie. Donc, il y a combien, je crois, 7 millions de paysans qui ont été comme ça, privés de leurs moyens d'enfanter, sans le savoir. Vous imaginez bien que quand ça se sait, c'est un ourvari, c'est une révolte absolument phénoménale. Donc quand elle s'en aperçoit, elle est très choquée, parce qu'elle n'avait pas mesuré que Sanjay était capable de ça. De même, elle lui avait confié ce qu'on appelle la beautification, hein, beautify, rendre beau les villes, et il commence à démolir les immeubles anciens de Benares. Enfin bon, il fait n'importe quoi. Et quand elle s'en aperçoit, donc elle lance les élections, qu'elle perd, elle le savait. Ça, c'est sa démocratie à elle, elle a fait des bêtises, elle l'admet, elle perd les élections. Elle la gagnera après. Dans les années 80, elle revient, oui. Et elle fait quelques jours de prison. Très peu, hein. C'est pas les 22 ans de son père. Quand elle revient au pouvoir dans les années 1980, Catherine Clément, est-ce qu'Indira Gandhi a changé? Est-ce qu'elle va mener... Non, elle mène la même politique. Est-ce que l'on peut dire... Elle est plus prudente sur les libertés, quand même. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que l'Inde est... Ah, pas une dictature, mais est une démocratie teintée de dictature sous Indira Gandhi? Pendant l'état d'urgence, oui. Après, non. Après, quand elle revient au pouvoir, après sa défaite de 1977, c'est l'année suivante, hein. Elle est toujours à côté des pauvres, quand même. Elle a dépouillé les maharajas de leurs privilèges territoriaux. Elle a accompagné toujours les pauvres. Elle a fait des démarches, des campagnes. Quand elle fait campagne électorale, elle va d'abord toujours voir les parias. Ça, c'est quand même systématique et c'est quand même, je trouve, à son honneur. Quand elle revient, elle a affaire au séparatisme sikh. Donc cette religion, parce que l'Inde, nous la simplifions en disant il y a les hindous et les musulmans. Non, il y a d'autres religions, évidemment. Ça, c'est aussi une secte. C'est aussi une secte qui est devenue une religion. C'est une secte qui a été fondée par un gourou qui a décrété l'égalité entre musulmans et hindous, et c'est devenu le sikhisme. C'est la parfaite synthèse entre les deux. Mais les sikhs sont attachés à une région qui est le Punjab. C'est là où ils sont majoritaires. Et un sikh commence à vouloir être vraiment séparatiste, à vouloir une véritable indépendance. Il s'appelle Bindranwale. Et Indira Gandhi essaye de le neutraliser par une alternance de claques et de bisous, hein, pour dire ça rapidement. Et puis ça ne suffit pas. Et puis il y a de plus Bindranwale qui est un vrai terroriste. S'est enfermé dans le temple d'or. C'est très impressionnant, le temple d'or. Il est vraiment doré, le petit temple au milieu du... Il y a un petit temple doré au milieu d'un grand lac. Et tout le tour, ce sont des fortifications, on peut dire ça comme ça. Et dans les fortifications autour du lac, Bindranwale a entassé les explosifs, les armes, etc. Le temple devient un dépôt d'armes. Le temple est devenu un dépôt d'armes. Et donc, il y a un moment où il faut y aller. Et ça s'appelle l'opération Blue Star. Moi, je l'ai interviewé avant Blue Star. Blue Star, c'est en juin. Mais j'ai beaucoup parlé avec les chefs d'état-major qui ont conduit Blue Star. Ça apprend des choses, quand même. Il y a eu une quantité invraisemblable. Enfin, ça a été un massacre absolument épouvantable. L'assaut a duré très longtemps. Il y a eu énormément de morts, beaucoup, beaucoup plus que le chiffre officiel. J'ai visité, moi, le temple d'or à Amritsar 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, il y avait encore des traces de balles partout. Bon, ça avait vraiment été terrible. Et c'est ce massacre-là, porté par Indira Gandhi, qui explique que des sikhs de son entourage, les gardes du corps, l'assassinent en 1984. Attendez, il faut les remarquer, les sikhs, quand même. Behan Singh, son assassin numéro 1, est avec elle comme garde du corps depuis des années, à peu près 20 ans. Il mesure tous 2 mètres, c'est le choix de ces grands gardes. Je suis sûr qu'elle le savait, qu'elle était menacée. Elle savait qu'elle était menacée et elle a insisté pour garder ses gardes du corps. Beaucoup en Inde considèrent que c'est un suicide. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'elle s'est laissée assassiner exprès. Catherine Clément, Hindu Boy, c'est votre roman aux éditions du Seuil qui vient de sortir en poche. Et bien justement, c'est cette traversée de l'histoire indienne au XXe siècle à travers votre regard de romancière et d'historienne. Vous faites œuvre d'historienne et de témoin. Catherine Clément, vous nous présentez Indira Gandhi avec cette question de l'assassinat et si elle avait voulu mourir. Merci beaucoup, Catherine Clément, d'avoir été notre guide aujourd'hui en Inde. Et pour le moment, dans le cours de l'histoire, il est temps de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Ce matin, dans le journal de l'histoire, un film de Liès Boukitine, Les visages de la victoire. Chérifa pensait suivre son mari en France pour quelques mois. Elle y vit depuis 60 ans. Aziza s'y est réfugiée pour échapper à la honte d'un divorce. Le mariage de Jemia lui a permis d'échapper à la violence de sa mère. Mimouna, qui faisait de la moto à 12 ans, est mariée à 14 ans et mère de 2 enfants à 16. Liès Boukitine recueille ses témoignages pour comprendre le parcours de ces femmes algériennes ou marocaines, si longtemps assignées au silence, toutes contraintes à épouser des hommes qu'elles n'avaient pas choisis. Tu parles pas. Tu dis oui, un point si tôt. J'ai dit oui. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. J'avais 14 ans, donc on est mariés selon la loi. Je ne sais même pas si c'est une loi d'ailleurs. Tu sais, c'est la parole donnée. Et ça, mariage dans le temps, c'est un coup de poker. Tu gagnes ou tu perds. Voilà. Le premier portrait, c'est Chérifa, la mère du réalisateur, qui part recueillir d'autres témoignages de femmes immigrées. Elles sont mariées avec ceux dont on a commencé à étudier la condition dans les années 70, ouvriers maghrébins des grandes usines nationales, Renault, Citroën, ou qui ont prêté leur force de travail aux grands chantiers de modernisation. Boukitine s'adresse à l'histoire de ses parents avec une tendresse très émouvante pour sa mère qui a élevé 14 rejetons en cachant son illettrisme par une présence assidue au conseil de classe et une attention acharnée aux études de ses enfants. Une fois son mari disparu, elle apprend à lire, elle acquiert la nationalité française, elle projette d'obtenir son permis de conduire et elle vote parce que cet acte l'a fait se sentir exister. Chérifa est arrivée en France en 1957, après un mariage contraint pour échapper aux violences que la guerre d'Algérie faisait peser sur les jeunes filles de son âge. C'est ce parcours originel qui amène son fils à rencontrer les semblables de sa mère, des femmes assignées au silence avant de forcer la porte de leur émancipation. Jusqu'à présent, j'ai jamais parlé de moi en tant que femme. Voilà, je suis la grand-mère, mais en tant que femme, ils ne connaissent pas ma vie. Pour me dire « je t'aime » comme ça, il ne me le dit pas. Je suis comme un oiseau qu'elle a sorti de son cage. Je sens la liberté, elle est là, je sens que je suis capable, que je peux faire beaucoup de choses. Ça, c'est la volonté. Les visages de la victoire n'est pas un film sur les victimes, mais un hommage de la deuxième génération à la première. Les mariages forcés sont souvent malheureux, parfois tragiques, comme celui d'Aziza, mais aussi surprenants, comme celui de Jemia, qui négocie à 14 ans une vie conjugale heureuse avec un mari qu'elle pleure encore. Si ces quatre femmes acceptent de témoigner, c'est qu'il est enfin temps de raconter leur vie de femmes, justement, après avoir concentré leur énergie à élever des enfants aujourd'hui partis. Partant de ce portrait collectif, le film de Liès Boukitine parvient au récit de vie de toutes les femmes de France, si longtemps considérées comme étrangères à la vie de la nation, qu'elles y soient nées ou non. C'est Chérifa qui nous le dit. Merci beaucoup Anaïs Kien. Les visages de la victoire de Liès Boukitine sort en salle aujourd'hui et le journal de l'histoire, lui, sort chaque jour de la semaine sur les ondes et sur notre site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission à réécouter en ligne sur le site franceculture.fr ou bien en podcast La Balade Diffusion. Demain, nous continuons à rechercher les avatars du nationalisme hindou. Et oui, nous irons au Cachemire.